Les interviews en vrac à Blue Di Fleury. Christos Markogiannakis. Christos Markogiannakis est criminologue et auteur grec. Il a travaillé comme avocat pénaliste en Grèce et vit en France depuis 9 ans. Fondateur du Crime Art, le mélange entre l'art et le crime, il a publié Scènes de crime au Louvre en 2017 et Scènes de crime à Orsay en 2018. En 2018, il a publié en français son premier roman policier athénien, au cinquième étage de la faculté de droit aux éditions Albin Michel, inspiré par le style d'Agatha Christie. Le deuxième roman de la série Mourir en scène sort en mars 2020, toujours Albin Michel. Qu'est-ce que c'est le métier de criminologue ? Bonjour, alors je m'appelle Christos Markogiannakis et comme vous dites, je suis criminologue. Quoi, il y a plusieurs façons de devenir criminologue et c'est travailler quoi, comme criminologue. Moi, j'ai commencé avec Qu'est-ce les que droits. C'est le métier de criminologue Je fais Qu'est-ce des études de droit à Athènes et puis j'ai eu deux master 2 en criminologie. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des romans sur ces crimes ? Voir, regarder les crimes d'un point de vue pas seulement légal, mais aussi biologique, psychologique, sociologique. Et moi, j'ai travaillé comme avocat pénaliste. Mais il y a plusieurs façons. On peut travailler pour la police, on peut travailler pour la police scientifique, on peut faire de chantage, on peut faire étudier les chiffres des criminalités. Donc il y a plusieurs façons de travailler comme un criminologue. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des romans sur ces crimes ? Écoutez, comme je vous ai dit, alors je suis criminologue fasciné par les crimes. Et une façon de regarder les crimes, c'est aussi la littérature. Donc je mélange mes deux passions, l'art et les crimes, et soit j'ai écrit des romans policiers à l'Agatha Christie, qui est ma grande favorite préférée depuis mon enfance, soit j'analyse les tableaux qui représentent des crimes mythologiques, bibliques ou historiques, dans les grands musées du monde, en commençant par les Louvres et l'Orsay. C'est quoi l'association Crimin Art ? Alors, c'est le mélange de mes deux passions. Alors, c'est le crime, le meurtre et l'art. C'est quelque chose, c'est un mot que j'ai créé il y a quelques années. J'ai fait des installations qui mélangent les deux. Et j'ai fait aussi les livres qui analysent les scènes des crimes qui se trouvent sur l'art, dans les tableaux, dans les sculptures, les amphores grecques qui se trouvent dans les deux musées. Que racontent vos livres en général ? Alors, j'écris deux genres des livres, les livres crimin-artistiques, entre guillemets, qui prennent des œuvres d'art qui se trouvent dans le musée et qui nous parlent de meurtres. Et j'écris aussi des romans policiers à l'Agatha Christie, classique, pas trop violent, pas trop sanglant, qui nous montrent la psychologie humaine, la psychologie criminelle, et avec une enquête qui est menée par un policier grec qui s'appelle Christophoros Markou. Le premier s'appelle « Au cinquième étage de la faculté des droits », édition Albin Michel. Et le deuxième sort dans un mois, « Mourir en scène », toujours avec mon policier grec comme personnage récurrent. Pouvez-vous me donner envie de lire « Au cinquième étage de la faculté des droits » ? Je l'espère bien. Alors, c'est un roman policier qui se passe en Grèce, à Athènes, mais c'est presque un huis clos. On est au cinquième étage de la faculté des droits, c'est le département de criminologie où on trouve deux victimes, une professeure et un étudiant. Et mon policier grec essaie de voir qui a transformé ce lieu d'études théoriques du crime dans un vrai lieu, dans une vraie scène des crimes. Voilà. Dans combien de vos livres on voit votre personnage récurrent ? Alors, j'ai écrit 4 pour l'instant. Le deuxième sort en France, comme je vous ai dit, dans un mois, Mourir en scène. Et j'espère qu'il va continuer à mener ses enquêtes en Grèce, aux îles grecques, à Athènes. Et il va fasciner les lecteurs.